بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Donc on continue notre série de cours sur Kitab al-Siyam de Bulugh al-Maram. On va voir aujourd'hui ce qui concerne Sawm at-Tatawwu' wa ma nuhiya 'an sawmi, ce qui concerne le jeûne surérogatoire et le jeûne qui est interdit. On va lire le hadith numéro 26. An Abi Qatada al-Ansari radiyallahu 'anhu anna Rasulullah alayhi salatu wa salam su'ila 'an sawm yawm 'Arafa. On a interrogé le prophète, alayhi salatu wasalam, à propos du siyam du jour de Arafah. Il répondit, il expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Puis on l'interrogea à propos du siyam du jour de Ashura. Il répondit, il expie les péchés de l'année passée. Il répondit, puis on l'interrogea à propos du siyam du lundi. Et il répondit, « Faqal, dhalika yawmun wulidtu fi. » Il répondit, « C'est le jour où je suis né. »« Wa bu'ithu fi. » C'est-à-dire le jour où j'ai été envoyé en tant que prophète. « Wa unzila alayya fi. » C'est-à-dire le jour où le Coran lui a été révélé. Le jour où le Coran est descendu sur le prophète, alayhi salatu wasalam. Ce hadith est rapporté par Muslim. Ce hadith indique le mérite du siyam de ces deux jours, qui sont le siyam du jour de Arafah, qui est le neuvième jour de Dhul-Hijjah, et également le siyam du jour de Ashura, qui est le dixième jour de Muharram, du mois de Muharram, qui correspond au premier mois du calendrier de l'Hégire. Donc, le siyam du jour de Arafah permet d'expier l'année passée et l'année suivante. Il ne faut pas comprendre qu'il permet d'expier l'année passée et l'année, les jours de l'année qui restent pour terminer l'année. Non, comme l'a indiqué Cheikh Ibn Uthaymeen, il a bien attiré l'attention sur le fait qu'il permet d'expier deux années complètes. L'année passée complète et l'année suivante complète. Il a cité que c'était la même chose pour Ashura. Donc le siyam du jour de Ashura correspond au dixième jour de Muharram, qui est le premier mois de l'année du calendrier de l'Hégire. Donc c'est comme si c'était par exemple le 10 janvier. Il ne faut pas comprendre que le siyam de l'année passée correspond juste à 10 jours. Non, c'est l'année passée complète. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen attire bien l'attention sur ce point-là. C'est l'année passée complète. Et ici, l'imam Sanarani nous répond à une question qui pourrait poser problème. Cette question-là est « Wa qad ustushkila takfir ma lam yaqa ». Comment se fait-il que ce siyam permette d'expier des péchés qui ne se sont pas encore produits? Les péchés de l'année à venir ne se sont pas encore produits. Donc, comment ce siyam-là pourrait permettre d'expier ces péchés qui ne sont pas encore advenus? Faqal wa ujiba bien al-murad an yuwaffaq fiha li'adam al-ityan bi-dhanb. Il a expliqué qu'en fait, Allah Azza wa Jal allait permettre à la personne de ne pas tomber dans des péchés pendant cette période-là, pendant cette année-là. Ou sinon, ou innahu in awqa'a fiha dhanban wuffiqa lil-ityan bima yukaffiruhu. Ou sinon, si la personne commet des péchés pendant cette année-là, eh bien, il va lui permettre de réaliser des œuvres qui vont expier ces péchés-là. Car comme vous le savez, il y a de nombreuses œuvres qui permettent d'expier les péchés. Comme par exemple le fait d'accomplir l'wudu, les ablutions. Lorsqu'on accomplit l'wudu, eh bien nos péchés sortent avec l'eau jusqu'à la dernière goutte d'eau. Lorsqu'on accomplit l'wudu, qu'on se lave les mains avec l'eau, eh bien les péchés qu'on a commis avec nos mains sortent avec l'eau jusqu'à la dernière goutte d'eau. Également, lorsqu'on se lave le visage, eh bien Allah Azza wa Jal nous pardonne nos péchés qu'on a commis avec, par exemple, nos yeux. Si on a regardé quelque chose d'illicite, eh bien, Allah Azza wa Jal nous pardonne ces péchés-là. Et ainsi de suite. On peut citer également siyam du mois de Ramadan. Celui qui accomplit le siyam de cette année, par exemple, puis également celui de l'année suivante, eh bien, Allah Azza wa Jal lui pardonne les péchés qu'il a commis entre ces deux années-là. Donc voilà la réponse à cette question qui pourrait causer problème. Il a cité cela dans son livre Subul Salam, qui est un commentaire de l'ouvrage Bulugh al-Maram. La première question qu'on va évoquer est « Hal siyam dhalika al-yawm yukaffir as-saghair wal-kaba'ir ?» Est-ce que jeûner ces jours-là permet d'expier les grands péchés et les petits péchés ou seulement les petits péchés? La majorité des savants est d'avis que ce siyam-là ne permet pas d'expier les péchés majeurs. Il ne permet d'expier que les péchés mineurs, que les petits péchés. Ils ont expliqué que ce siyam-là n'est pas meilleur que siyam à Ramadan. Wala min as-salawat al-khams. Il n'est pas meilleur que le siyam du mois de Ramadan, ni que les cinq salats quotidiennes obligatoires. Or, le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit dans un hadith, as-salawat al-khams, wal-jumu'a ila al-jumu'a, wa ramadan ila ramadan, mukaffiratu lima baynahun, idha ijtunibat al-kaba'ir. Il a dit que les cinq prières, et également l'accomplissement de la salade d'un vendredi à l'autre, est une expiation des péchés commis dans l'intervalle, tant qu'on évite les péchés majeurs. Qala idha ijtunibat al-kaba'ir. Donc, il a bien précisé qu'il fallait s'écarter des péchés majeurs. Donc, on en tire comme profit que cela permet d'expier les petits péchés. Quant aux grands péchés, eh bien, il faut faire tawbah. Il faut se repentir des grands péchés avec les conditions à respecter du repentir. Donc, voilà la vie le plus juste. Et que ce siyam-là ne permet d'expier que les petits péchés. Il se peut qu'il khafaf an al-kabair, qu'il permette d'alléger les grands péchés, mais il faut faire tawbah des grands péchés. Le deuxième point concerne Soum Yom Arafa, le siyam du jour de Arafa. Cheikh Abdallah al-Bassam, un commentaire de Boulour al-Maram, qu'il a intitulé Tawdih al-Ahkam, قال صوم يوم عرفة هو أفضل صيام تطوع بإجماع العلماء. Il a cité que le siyam du jour de Arafa était le meilleur jeûne tatawwu, c'est-à-dire le meilleur jeûne surérogatoire selon l'unanimité des savants. Donc tous les savants s'accordent à dire que c'est le meilleur jour de siyam surérogatoire. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. C'est parmi les bienfaits qu'Allah عز وجل a accordé à cette communauté. Il nous permet d'obtenir une grande récompense ou d'expier beaucoup de péchés en accomplissant quelque chose de très simple. Donc, il ne faut pas laisser passer ces occasions-là. Il faut profiter de ces occasions. Quand c'est quelque chose qui touche à cette dunya, les gens, en général, ne veulent rien laisser passer. Ils ne veulent pas gâcher les occasions. Par exemple, on va citer un petit exemple. La période des soldes. Parfois, il y a des soldes sur certains produits, que ce soit des vêtements, du chocolat après la période des fêtes ou autre. Eh bien, les gens viennent à l'avance, avant l'ouverture des magasins. Peut-être qu'ils vont rester à faire la queue devant le magasin avant qu'il n'ouvre. Et quand le magasin ouvre, tu les vois courir, se ruer sur ces produits et tout acheter en quelques minutes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas laisser passer ces occasions-là. Ils ne veulent rien gâcher. Et en général, c'est la même chose dès qu'il y a de l'argent en jeu. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, des aides à obtenir, eh bien, les gens se renseignent et font des démarches, ils font tout leur possible pour obtenir cet argent-là. Eh bien, c'est la même chose, fiadad-din. Pourquoi ne pas faire la même chose, fiadad-din ? Pourquoi ne pas s'empresser d'accomplir ces choses-là, où Allah Azza wa Jal nous permet d'obtenir une grande récompense ou d'expier beaucoup de péchés en faisant quelque chose de très simple. Donc, il ne faut pas laisser passer ces occasions-là qui sont azimes. Fa subhanallah. En jeûnant un jour, Allah Azza wa Jal nous pardonne les péchés de deux années. Fa hadha fadl azim, subhanallah. C'est une immense récompense. Il ne faut pas gâcher ces occasions-là. Certains s'imaginent que cette religion est compliquée ou d'autres choses, alors que non, bien au contraire. In hadha ad-din yusr, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wa salam, ce din, cette religion, est facilitée. Et plus la personne va apprendre sa religion, plus elle va s'apercevoir qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé de nombreuses faveurs dont il faut profiter. Donc c'est à nous de profiter de ces faveurs-là. Le troisième point concerne Siyam Yom Ashura, le Siyam du jour de Ashura. L'imam al-Nawawi a cité dans son commentaire de Sahih Muslim, « Ittafaqa al-ulama ala anna sawm Ashura sunnah ». Il a dit que les savants étaient d'accord pour dire que le siyam de Ashura était une sunna, que c'était quelque chose de recommandé. Et attention, ici, on attire l'attention sur le fait que lorsqu'on dit que telle chose est recommandée, c'est-à-dire qu'il est recommandé de la faire et non pas recommandé de la délaisser. D'accord ? Donc, lorsqu'on dit que quelque chose est recommandé, Certains peuvent s'imaginer, oui, c'est bon, ce n'est pas obligatoire, donc je n'ai pas à la faire. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut se dire, il est recommandé de l'accomplir et non pas recommandé de la délaisser. Et Cheikh Ibn Uthaymin a attiré l'attention sur ce point-là également dans son commentaire de Bulugh al-Maram. Lorsqu'il a cité le hadith où les sahaba ont interrogé le prophète alayhi salatu wasalam, sur le siyam de Ashura et d'Arafa, il a dit que les compagnons veillaient à s'enquérir de la science. Il a dit que les sahaba ont posé cette question-là pour mettre en pratique. Et non pas juste par curiosité. Ils ont posé cette question-là pour savoir le mérite de ces jours-là et de jeûner ces jours-là. Thumma qala, amma as'ilatuna nahnu fi hadha al-'asr fa aktharu lil-'ilm. Il a dit que de nos jours, eh bien, les gens posaient des questions juste pour savoir la réponse et non pas pour mettre en pratique. قال العلم كثير ولكن العمل قليل. Puis il a dit malheureusement, العلم كثير, les gens posent des questions pour savoir la réponse, mais peu de gens mettent en pratique cette science-là. Donc, il faut faire très attention. Lorsqu'on apprend, lorsqu'on sait que telle chose est recommandée, eh bien, on doit essayer de la mettre en pratique. La quatrième question concerne le fait de jeûner le 9e jour et le 10e jour. La majorité des savants est d'avis qu'il est recommandé également de jeûner le 9e jour avec le 10e jour. Ils se sont basés sur un hadith qui est rapporté par Muslim, où lorsque le prophète alayhi salatu wasalam, a jeûné le jour de Ashura et qu'il a ordonné aux sahaba de jeûner ce jour-là, eh bien ils lui ont dit « Ya Rasulullah, innahu yawm tu'adhimu al-yahud wa al-nasara » Ils lui ont dit que ce jour-là était spécial pour les juifs et les chrétiens. « Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa'idha kana al-'am al-muqbil insha'Allah sumna al-yawm al-tasi'a » Le prophète alayhi salatu wasalam dit aux compagnons, si je suis encore vivant l'année prochaine, eh bien, on jeûnera le 9e jour avec le 10e jour. Donc, les savants en ont déduit qu'il est recommandé de jeûner le 9e jour également. Mais le prophète alayhi salatu wasalam ne put pas accomplir ce qu'il avait l'intention de faire car il décéda entre-temps. Ils se sont également basés sur un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhuma, où il a dit, Ibn Abbas a dit qu'il fallait se distinguer des juifs. En effet, les juifs jeûnaient le jour de Ashura, le 10e jour. Donc il a dit de jeûner le 9e et le 10e jour. Ce hadith-là est authentique. Donc, d'après ces preuves-là, eh bien, il est recommandé de jeûner le 9e et le 10e jour. La cinquième question est « Hal yusam al-ashir ou al-hadi ashara » Est-il permis de jeûner le 10e et le 11e jour? Certains savants ont dit qu'il était permis de jeûner le 10e et le 11e jour. Ils se sont basés sur un hadith rapporté par Ibn Abbas, où le prophète alayhi salatu wasalam, a dit « Soumou yom Ashura »« Jeûnez le jour de Ashura »« Wa qalifu fihi al-yahud »« Soumou qablahu yawman ou ba'dahu yawman » Donc ici le prophète alayhi salatu wasalam, a dit de se distinguer des juifs en jeûnant un jour avant ou un jour après. Donc, ils ont dit qu'il était permis de jeûner soit un jour avant, c'est-à-dire le 9e jour, ou un jour après, c'est-à-dire le 11e jour. Donc, ils se sont appuyés sur ce hadith-là. Mais en fait, ce hadith-là est daïf. Ce hadith n'est pas authentique, il est faible. En effet, il y a dans la chaîne de transmission Mohamed ibn Abdurrahman ibn Abi Layla, qui est Sayyid al-Hafd. Il a une mauvaise mémorisation. Et également, il y a Daoud ibn Ali, qui est daïf également. Donc, en résumé, ce hadith-là n'est pas authentique. Il est faible. Il ne peut pas servir d'argument. Donc, l'avis le plus juste est qu'il est recommandé de jeûner le 9e et le 10e jour. Et il n'y a aucune preuve qui indique qu'il est recommandé de jeûner le 10e et le 11e jour. Et Cheikh Mohamed ibn Hizam a ajouté que ce qui appuyait cet avis-là est que lorsqu'on informa le prophète alayhi salatu wasalam, que les juifs jeûnaient le jour de Ashura, il dit « Lain baqitu ila qabil la sumanna tasi'a » Il dit « Si je suis encore vivant l'année prochaine, eh bien je jeûnerai également le 9e jour. » Et il n'a pas dit « je vais jeûner demain ». Lorsqu'il était au jour de Ashura, il aurait pu dire « eh bien, je vais jeûner demain pour me distinguer des Juifs ». Non, il a dit « si je suis encore vivant l'année prochaine, eh bien, je jeûnerai également le 9e jour ». Ce qui indique qu'il est recommandé de jeûner le 9e et le 10e jour, et non pas le 10e et le 11e jour. Car le prophète, alayhi salatu wa salam, aurait pu, ce jour-là, dire « je vais jeûner demain », ce qui aurait fait qu'il aurait jeûné le 10e et le 11e jour. Or, il ne l'a pas fait. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Ce qui indique bien que ce qui est légiféré est de jeûner le 9e et le 10e jour. Donc voilà un très bon raisonnement de Cheikh Mohamed ibn Hizam. Par contre, l'imam Ahmed est d'avis que si on a un doute sur le premier jour du début du mois, eh bien dans ce cas-là, on peut jeûner 3 jours. Vous savez que le début du mois dépend de la vision du croissant de lune. Et parfois, on peut avoir un doute sur le premier jour du mois à cause de la vision du croissant de lune. Donc dans ce cas-là, l'imam Ahmed est d'avis qu'il est permis de jeûner 3 jours par précaution. La 6e question est, est-ce que le 6e de Ashura était auparavant obligatoire ou recommandé? La réponse est qu'auparavant, le 6e du jour de Ashura était obligatoire. Puis lorsqu'Allah Azzawajal a rendu le 6e de Ramadan obligatoire, eh bien le 6e du jour de Ashura est devenu recommandé. Et la preuve en est ce hadith qui est rapporté par Aïcha, radiallahu anha, qui rapporte que Quraysh avait l'habitude de jeûner le jour de Ashura, fil jahiliya, avant l'avènement de l'islam. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, avait l'habitude de jeûner ce jour-là. فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِسِيَامِهِ. Et lorsqu'il s'est rendu fil Medina, à Médine, eh bien, il a continué à jeûner ce jour-là et a ordonné de jeûner ce jour-là. Et lorsque le mois de Ramadan est devenu obligatoire, قال من شاء صامه ومن شاء تركه. Il a dit que celui qui le souhaite continue à jeûner ce jour-là et celui qui le souhaite ne le jeûne pas. Donc cela, cette preuve-là indique que le 6e du jour de Ashura est devenu par la suite recommandé. Donc en résumé, au départ, il était obligatoire et lorsqu'Allah Azzawajal a rendu le mois de Ramadan obligatoire, eh bien le 6e de Ashura est devenu recommandé. La 7e question est l'hikma min al-amr bi sawm Ashura. Quelle est la hikma? Quelle est la sagesse? Quelle est la raison pour laquelle il faut jeûner 6e du jour de Ashura? La réponse est parvenue dans un hadith rapporté par al-Bukhari au Muslim, selon Ibn Abbas, où lorsque le prophète alayhi salatu wa salam s'est rendu fil Médine à Médine, eh bien, il trouva les juifs en train de jeûner le jour de Ashura. Et il leur posa la question, pourquoi est-ce qu'ils jeûnent ce jour-là? فَقَالُوا هَذَا يُمْ عَظِيمُ نَجَّ اللَّهُ فِي مُوسَى وَقَوْمًا. Et donc, ils ont dit que ce jour-là était spécial pour eux, car c'est le jour où Allah Azzawajal a délivré Moussa, c'est-à-dire Moïse, alayhi salatu wasalam, de Pharaon et de ses troupes. C'est le jour où Allah a noyé Pharaon et ses troupes et sauvé Moussa, Moïse, alayhi salatu wasalam. Donc, Moussa, Moïse, a jeûné ce jour-là par reconnaissance et ils ont décidé de jeûner ce jour-là. Les Juifs ont décidé de jeûner ce jour-là. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ أَحَقَّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ. Il aura répondu que les musulmans étaient plus en droit de se revendiquer de Moïse, de Moussa, que les Juifs. Donc, les musulmans sont plus en droit de se revendiquer du suivi de Moussa, alayhi salatu wasalam, que les Juifs. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wasalam, a jeûné ce jour-là et a ordonné de jeûner ce jour-là. Donc voilà la sagesse, c'est le jour où Allah Azzawajal a délivré Moussa, Moïse, alayhi salatu wasalam, et son peuple de Pharaon et de ses troupes. De Pharaon et de ses troupes. Le 8e point concerne le fait de jeûner le lundi et le jeudi. Il y a de nombreuses preuves qui indiquent qu'il est recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. Parmi elles, un hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, a indiqué que « ذَانِكَ يَوْمَنْ تُغْرَدُ فِيَ الْأَعْمَلْ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Il a dit que le lundi et le jeudi étaient le jour où les œuvres étaient exposées à Allah Azzawajal. « وَأُحِبْ أَنْ يُغْرَدَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Il a dit qu'il aimait que ses œuvres soient présentées à Allah Azzawajal alors qu'il est en état de siyam, alors qu'il jeûne. Donc voilà une des preuves qui indique qu'il est recommandé de jeûner le lundi et le jeudi. On continue avec le hadith numéro 27. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que quiconque jeûne le mois de Ramadan puis le fait suivre de six jours du mois de Shawwal, le mois de Shawwal est le mois qui succède à Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année, siyam al-dahr. Ce hadith indique qu'il est recommandé de jeûner six jours du mois de Shawwal après l'accomplissement du mois de Ramadan. Et comment se fait-il que le prophète alayhi salatu wasalam, ait dit que c'est comme si la personne avait jeûné toute l'année? Bien, en fait, l'explication est que al-hasana bi'ashri amthaliya. Il faut savoir que les hasanat, les bonnes actions, sont multipliées par 10. Donc, celui qui accomplit le siyam du mois de Ramadan, c'est comme s'il avait la récompense de 10 mois. D'accord ? De 10 mois de siyam. Et celui qui jeûne 6 jours a la récompense de celui qui a jeûné 60 jours. 6 fois 10, 60. Donc, 10 mois plus 2 mois font 12 mois, ce qui équivaut à l'accomplissement du siyam de toute l'année. Donc, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis ces six jours de mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné l'année entière. Il a le mérite du siyam de l'année entière. Voilà l'explication, comme l'a cité Al-Imam As-Sana'ani. Et est-ce qu'il faut jeûner ces jours-là consécutivement ou pas? Ou peut-on disperser ces jours-là? La réponse est que le fait de jeûner consécutivement n'est pas une condition. On peut jeûner si on veut les jours d'affilée ou sinon disperser ces jours-là. Jeûner quelques jours au début ou au milieu ou à la fin. Donc on peut faire comme on le veut, comme on le souhaite. Comme l'ont cité les savants comme Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen et Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi majma'in. Et enfin, la dernière question est, faut-il jeûner ces six jours de Shawwal après l'accomplissement du mois complet dans Ramadan ou pas? Par exemple, si une personne est tombée malade pendant Ramadan, qu'elle a raté trois jours, faut-il qu'elle rattrape d'abord ces trois jours avant de jeûner les six jours de Shawwal, ou peut-elle jeûner les six jours de Shawwal avant? Ou si une femme a eu ses règles pendant Ramadan, doit-elle commencer par rattraper ces jours manqués où elle a eu ses règles avant de jeûner les six jours ou pas? La réponse est ce qu'a cité Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymeen, qui ont dit qu'il fallait que la personne commence par rattraper ses jours manqués de siyam pendant Ramadan. Donc la femme commence par rattraper ses jours où elle a eu ses règles, puis jeûne les six jours de Shawwal. Pareil pour la personne qui est tombée malade. Voilà. Cheikh Ibn Uthaymeen a expliqué que la parole du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadan, était ay atamma siyamahu. C'est-à-dire celui qui jeûne le mois complet, celui qui complète son siyam du mois de Ramadan. Donc voilà, il a expliqué qu'il fallait que la personne ait accompli le siyam du mois de Ramadan complet avant de pouvoir jeûner les six jours de Shawwal. Donc voilà pour ce dars où on a vu le mérite du siyam du jour de Ashura et d'Arafa, et également l'incitation à jeûner six jours du mois de Shawwal. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.